Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, Où va l'humanitaire ? Une série de Michel Pomarède, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'image du jeune médecin français triomphant, le sac de riz sur l'épaule, le souvenir de refrains entonnés par des stars, des photos d'enfants au ventre gonflé, et heureusement, il y a aussi ceux qui aident, ceux qui en ont besoin, malgré les dérives, les scandales et parfois les ratages. Alors pour commencer, les personnages. Henri Dunant sur le champ de bataille, un historien dans les linéaires, une communicante au service de la cause, un humanitaire qui se veut irréprochable, des diplomates, un délégué revenu du Nigeria, un directeur soucieux, un chef de mission en Syrie et des humanitaires à distance. Ensuite le décor. La guerre, Solferino, Genève et sa convention, la neutralité suisse, des formations, un bord de route, des cours de conduite, une chèvre, le lac Tchad, des otages et des morts, des hôpitaux attaqués, du Wi-Fi, des données à protéger, une vitrine de la bonne conscience et un monde rétréci. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive aux archives. Nous sommes ici dans les archives du Comité international de la Croix-Rouge, donc le CICR, le fameux CICR. Nous avons la chance d'avoir plusieurs milliers de mètres linéaires d'archives, donc environ 20 km d'archives, qui retracent toute l'activité humanitaire de l'institution, qui est la plus vieille institution humanitaire toujours en activité, depuis ses débuts en 1863 jusqu'à aujourd'hui. Il faut passer plusieurs portes. Où va l'humanitaire ? Michel Pomarède, Vincent Deck. Les nouveaux terrains d'action du CICR. Un premier dossier. Alors là, on est déjà après les conventions. Donc on est, je pense, au moment des ratifications. L'idée, c'est vraiment d'adapter le droit à la guerre. Pour faire en sorte d'humaniser cette guerre, de rendre les souffrances moins prégnantes, moins fortes. Humaniser la guerre, faire respecter la distinction entre civils et militaires sur un champ de bataille, c'est le cœur des conventions de Genève de 1949, dont on va fêter bientôt les 70 ans. Ces conventions, ratifiées par la quasi-totalité des États, sont les piliers du DIH, c'est-à-dire le droit international humanitaire. Et le CICR a pour mandat de faire respecter ce droit auprès des belligérants. À côté de cette mission historique, à côté des opérations classiques d'assistance aux populations victimes des conflits, sont en train d'apparaître de nouvelles actions au sein de l'institution suisse, avec notamment l'utilisation intensive du numérique sur le terrain. D'où ces questions. L'information envoyée vers un téléphone portable va-t-elle remplacer le kit d'urgence ? Les victimes vont-elles devenir vraiment les acteurs de leur survie ? Et enfin, comment Henri Dunant jugerait ce bouleversement, lui qui fut à la fin du 19e siècle, à l'origine du Comité international du secours aux blessés, c'est-à-dire l'ancêtre du CICR. Irène Herrmann, vous êtes historienne à l'Université de Genève. Faisons un flashback avec vous et repartons avec Henri Dunant à Solferino en 1863. Qu'est-ce que vient faire cet homme d'affaires sur ce champ de bataille italien qui oppose à l'époque les Français et les Autrichiens ? Henri Dunant essayait de rencontrer Napoléon III pour lui parler de concessions en Algérie. Il avait donc des moulins en Algérie. Et il avait quelques problèmes financiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Il voulait donc obtenir certains droits, probablement, de Napoléon III. Il n'a pas vu Napoléon III. Il est arrivé après la bataille, mais il a vu les blessés, les morts sur le champ de bataille. Et il a aussi vu les populations qui sont venues aider de manière indiscriminée les soldats pour essayer d'en sauver le maximum. Il va écrire son fameux souvenir de Solferino sur la base de cette expérience qui est pour lui une expérience traumatique. Et l'ouvrage est très très bien reçu dans toute l'Europe. Elle est aussi très très bien reçue par la société d'utilité publique genevoise. Alors, pour des raisons politiques, de politique locale, eh bien, les Genevois vont demander à ce que l'œuvre qui est suggérée par Henri Dunant soit sous la tutelle d'une grande puissance. Et la première grande puissance à laquelle ils pensent, c'est la France. Napoléon III a d'autres soucis en tête. Quoi qu'il en soit, il dit il faudrait que l'État qui vous soutient, ce soit un État neutre. Demandez à la Suisse. Extrêmement rapidement, on voit les autorités helvétiques comprendre tout le profit qu'elles pourraient tirer de ce qui va finir par s'appeler le Comité international de la Croix-Rouge. Et ça, ça intervient déjà à la fin des années 1860, où les autorités suisses se rendent compte que le statut de neutralité qui avait été garanti à la Confédération en 1815, eh bien que ce statut de neutralité qui avait aussi été garanti au Luxembourg ne serait pas respecté au Luxembourg et qu'il y aurait probablement des problèmes. En d'autres termes, la neutralité devait être spéciale pour être garantie. Il ne suffisait pas d'avoir signé des papiers. Il fallait encore pouvoir prouver à l'ensemble des puissances européennes qu'elles avaient tout intérêt à respecter cette neutralité. Et ça, ça va être un argument extrêmement fort de la Suisse durant le conflit franco-prussien de 1870-71. C'est de dire, nous, notre neutralité est tout à fait spéciale parce que notre neutralité est humanitaire. Donc vous allez vous entretuer, nous restons neutres, mais nous allons soigner vos soldats. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette argumentation va connaître une évolution durant la Première Guerre mondiale. À partir de 1916, il y a inversion de l'argument et on dit c'est parce que nous sommes humanitaires. Naturellement, nous, Suisses, nous, peuple suisse, nous, nation suisse, que nous sommes neutres. Et il faut donc respecter cette neutralité. L'idée, évidemment, pour les autorités helvétiques, c'est d'avoir une protection supplémentaire, de montrer l'aspect humanitaire à travers l'œuvre du CICR, c'est une manière d'être ou d'avoir plus d'assurance de rester intact pendant les conflits armés, ce qui n'était pas du tout garanti, ni pendant la guerre de 70-71 et encore moins durant la Première Guerre mondiale. L'argument va évidemment être repris durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit qu'il y a une utilité. Il y a non seulement une utilité, mais il y a aussi une utilisation de la part du CICR. À partir de 1917, c'est-à-dire à partir du moment où le président du CICR, Gustav Ador, est nommé au Conseil fédéral, c'est-à-dire qu'il est ministre de la Confédération, eh bien, on voit qu'il y a une espèce d'amalgame entre les autorités helvétiques et les autorités du CICR. Alors, ça va durer notamment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En revanche, on aura beaucoup d'anciens ministres qui vont siéger au comité. Ce sera notamment le cas de Max Petitpierre, qui avait été le ministre des Affaires étrangères en Suisse entre 1945 et 1960. Donc une figure extrêmement importante. J'avais un peu parlé de relations incestueuses entre les autorités du Comité international et les autorités helvétiques. Et ce, parce que la Suisse aide le CICR. Et le CICR aide la Suisse. C'est donc un gentleman's agreement. Le CICR est un acteur pour protéger la Suisse. Historiquement, c'est absolument juste. Ah, ici, nous sommes dans le Compactus de l'île, le Compactus A. C'est déjà, vous voyez, un ancien modèle. On est dans le gris, non plus dans le bleu. Daniel Palmieri, vous êtes historien attaché au CICR. Avant 1949, il y avait déjà trois conventions de Genève. Celle de 1864 consacrée à la protection des blessés de guerre, celle de 1906 et 1929 dédiée à la protection des prisonniers de guerre. Pourquoi a-t-on eu besoin de nouvelles conventions en 1949 ? La constatation qui a été faite, c'est constatation durant la Seconde Guerre mondiale pour la situation des civils. Donc l'absence d'un droit véritablement dédié aux civils pour les protéger des conflits internationaux. Et donc le CICR a décidé qu'il fallait améliorer le droit, faire une convention pour les civils. Et donc dès février 1945, donc avant même la fin des hostilités, il lance l'idée qu'il faut réviser les conventions, voire en ajouter des nouvelles. Parce qu'effectivement, même pour des conventions comme la convention de 1929 sur les prisonniers de guerre, bien évidemment, vous avez un traité qui existe et qui protège une catégorie spécifique de victimes, qui est un bon traité pour l'époque de sa rédaction, donc 1929. Mais la guerre a montré aussi des lacunes dans cette façon de traiter les victimes. Donc il faut aussi réviser les conventions qui existent. Et en 1977, on décide de donner des appendices à ces conventions de Genève, qui sont les protocoles additionnels. Alors là, continue à traiter des guerres internationales, mais élargit le spectre de la protection. Et le second traite véritablement de la protection des populations ou des victimes des conflits non internationaux. Il faut aussi rappeler que le droit international humanitaire, c'est comme tout le droit, c'est des promesses. Donc les États se promettent de faire quelque chose. Donc il n'y a pas vraiment d'obligation. C'est vraiment une promesse réciproque entre des États de dire, voilà, nous allons respecter les prisonniers de guerre, nous allons respecter les civils. Et puis, une lacune du droit, c'est aussi la question des sanctions. C'est-à-dire que si quelqu'un ne tient pas sa promesse, vous n'avez pas forcément dans le droit des sanctions très fortes qui obligeraient l'État qui aurait dévié de ses promesses à revenir dans le droit chemin. Bien évidemment, les États sont liés par le fait qu'ils doivent faire appliquer dans leur propre pays les normes du droit international humanitaire, que les autres États signataires peuvent faire pression, peuvent dénoncer, mais comme c'est de la politique, effectivement, ça ne se passe jamais comme ça. Donc il faut attendre vraiment la création de la Cour pénale internationale en 2002 pour que vous ayez vraiment une institution qui soit là uniquement pour réprimer les violations, notamment du droit international humanitaire, avec tous les problèmes que pose la CPI aussi, puisque tous les États ne l'ont pas ratifié, et puis c'est aussi des procédures sans nom par rapport à quelques personnes aussi, qui sont souvent les en haut du sommet hiérarchique, mais pas forcément les personnes qui ont elles-mêmes commis les violations. 70 ans après, Daniel Palmieri, l'historien que vous êtes, qui travaille au contact avec ces archives de morts, de souffrances, et qui regarde l'actualité, quel regard vous portez sur l'efficacité de ces conventions de Genève ? Alors effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui dans des contextes tels que le Yémen et la Syrie, on a l'impression que la notion d'humaniser la guerre est complètement futile, inutile, et que on n'a pas progressé durant ces 150 ans. Maintenant, la deuxième question, c'est de se dire, sans le droit, qu'est-ce qui se serait passé ? Parce que le droit, quand même, à la fois limite l'utilisation de certains moyens de guerre, protège les populations civiles, mais est aussi une sorte de caisse de résonance par rapport aux autres États. Puisque l'idée de la guerre, c'est quand même de vaincre l'adversaire le plus rapidement possible. Ce n'est pas du tout d'épargner les populations civiles. C'est une guerre qui se veut la plus rapide possible avec l'adversaire vaincu le plus possible. Le problème, ce n'est pas forcément le droit, c'est l'application du droit. Le droit en tant que tel est nécessaire. Et le CICR, depuis 150 ans, travaille à ce droit. Elodie Schindler, vous êtes chargée de communication au CICR. Où est-ce qu'on va ? Là, on va à Ecogia, qui est un centre de formation où le CICR organise bon nombre de ses formations. Pour toute une génération de délégués, Ecogia, c'est aussi le souvenir de 3 semaines de cours d'intégration. Donc c'était finalement le premier contact avec le CICR et ce qui nous attendait, c'était ici à Versoix. Vous êtes venu ici quand ? C'était en juin 2011. Voilà, c'était vraiment le premier contact avec des personnes du CICR qui venaient nous expliquer le travail du délégué, ce qui nous attendait, que ce soit au niveau de l'assistance, de la protection, la gestion du stress, que c'est le DIH bien sûr. Finalement, on nous apprenait le métier du CICR avec aussi certaines simulations de visite terrain. Alors on était dans les bois d'Ecogia, à Versoix, avec des collègues qui jouaient le jeu de groupe armé, une simulation de conflit. Et on montait pour la première fois dans une Land Cruiser du CICR, ce qui était toujours un peu aussi le baptême du feu. On avait d'ailleurs des tests de conduite à un moment donné à l'aéroport de Genève sur les pistes du Touring Club Suisse pour se rendre compte du temps que mettait une Land Cruiser à freiner sur une piste savonneuse. Donc on avait des formations très pratiques. Mais Loli Schindler, au fond, pourquoi avoir choisi le CICR ? Ce que j'ai beaucoup aimé avec le CICR, c'était le pragmatisme. La guerre existe et on essaye juste qu'il y ait quelques règles, que ce soit un petit peu plus clean, on va dire, et que les parties au conflit respectent, protègent les personnes qui ne font pas partie du conflit. Donc on va essayer un peu Donc avec un point de vue très pragmatique, on a quand même une espèce de visée idéaliste. Et ça, ça me correspondait bien. Pourquoi ? Parce que c'est très suisse, en fait. Je trouve que c'est... voilà, il y a la guerre, mais essayons quand même que ce soit fait propre en or selon des règles. Après, pour ce qui est de... Bonne conscience ? Non, parce que... Encore une fois, je pense qu'on change pas le monde, c'est des petites choses. Et quand je dis enfin, il faut être très humble. On n'est pas tant que ça, c'est des gros projets, les besoins sont immenses. Donc c'est des gouttes d'eau qu'on fait. Enfin, c'est, on apporte une petite goutte d'eau, alors il faut être très humble et voir la gratification dans des toutes petites choses. Se focaliser sur les petites victoires, par exemple, bon, voilà, on a réussi à réunifier une famille. Donc pour moi, c'était ça. Et puis je pense qu'au début, au recrutement, on l'a bien fait comprendre. Enfin, c'est, comment est-ce que vous allez vous motiver si ça part en live ? Qu'est-ce qui va vous faire tenir ? Donc moi, je pense qu'il faut se focaliser sur les petites choses, sur les individus qu'on peut aider, et puis finalement avoir une vue assez petite sur ce qu'on fait. Combien de personnes au siège ici, Elodie Schindler ? On est moins de 1000, je ne sais pas les chiffres exacts, je pense autour de 800 ou 900, sachant qu'actuellement on est 18 000 personnes de par le monde, siège compris. C'est-à-dire à travers les 80 délégations ? Tout à fait. Dominique Stillhart, vous êtes directeur des opérations. Est-ce que vous pourriez revenir sur vos premières heures au CICR ? Quand est-ce que vous êtes engagé au sein de l'institution ? Je suis rentré au CICR en 1990. Ma première motivation, c'était vraiment la recherche d'un travail qui me donne une direction, un sens, mais aussi, je dois avouer, j'ai cherché un peu l'aventure à l'époque. L'aventure s'est concrétisée relativement rapidement parce que j'étais envoyé comme jeune délégué du CICR en Somalie. Je me souviens très bien, il y avait un délégué beaucoup plus expérimenté que moi qui m'a accompagné en Somalie. Et après 3 jours, il m'a donné $20,000 et puis il m'a dit « Dans 3 jours, il y aura un bateau qui va arriver ici, tu vas le décharger et distribuer la nourriture à ces quelques 100-150 000 déplacés dans la ville. » Moi, j'ai jamais organisé une distribution. Et cette nuit-là, j'étais tout seul à l'hôtel, j'ai pleuré et je me suis dit « Non, ça c'est juste, ça, je crois que c'est pas pour moi cette histoire. » Et puis finalement, quand le matin est arrivé, je me suis dit « Ok, maintenant je vais montrer à celui-là qui m'a laissé tout seul que je peux le faire. » Qu'est-ce que vous avez vécu en Somalie à l'époque qui vous sert encore aujourd'hui ? Ce que j'ai surtout appris, c'est l'humilité et de ne pas penser que nous, on est juste les bons dans un contexte et puis les autres sont des bénéficiaires qui ont besoin de nous. Ce qui est vraiment important, c'est effectivement de reconnaître l'humanité dans l'autre et pas juste penser que nous, parce qu'on est des humanitaires, on a le privilège ou on possède l'humanité nous-mêmes. Aujourd'hui, vous êtes directeur des opérations. Comment est-ce que vous incarnez ces valeurs auprès de vos équipes sur le terrain, ici au siège ? Le message que je transmets souvent quand je suis en face des plus jeunes délégués, c'est justement ça. Ils doivent être conscients de leur position et puis il faut surtout pas exploiter cette position de pouvoir vis-à-vis des communautés qui sont en besoin. Nous, on doit être les humanitaires doivent être exemplaires parce que nous, moralement, on a plus de responsabilités que tous les autres, ok? Parce que nous, on prêche aussi la bonne parole, le respect du droit international humanitaire, etc. J'ai vraiment extrêmement mal vécu ces derniers mois et notamment ces abus sexuels. On doit être irréprochable. Elodie Schindler, est-ce qu'on s'engage au CICR comme on s'engage dans l'armée ? C'est vrai qu'il y a un petit côté armée, même par le fonctionnement de l'institution qui reste encore hiérarchique. On part en mission, sur le terrain. Enfin, quand on est sur le terrain, on a des états-majors, donc il y a ce côté effectivement qui est un peu armé. Quand on signe en tant que délégué, on ne sait pas où on va. Enfin, on nous destine à un endroit. On n'a pas forcément le droit de refuser. Et on signe pour 2 ans sans pouvoir y aller en famille. Donc c'est vrai que c'est une certaine abnégation, enfin à servir la cause, ouais, je pense. Et puis moi, ce qui m'avait beaucoup marqué en arrivant, c'est que j'étais plus Elodie. J'étais déléguée du CICR. Je mettais le badge et on s'adressait, enfin, et je voyais bien que je représentais une institution. J'avais plus 30 ans et des poussières suisse. Enfin, j'avais l'impression de représenter une institution, et ça, je trouvais que c'était assez impressionnant ce que ça dégageait. D'entrer dans une prison avec 500 détenus et que les prisonniers sachent qui je suis, s'arrêtent et parlent à l'institution, pas à moi. Allez-y. Si vous regardez tout autour du terrain, de tout le siège qui est composé de plusieurs bâtiments, il y a des petites bornes. Donc les privilèges et immunités diplomatiques, effectivement, on a un statut qui est très particulier. On n'est pas une organisation internationale, on n'est pas une ONG. Ça nous accorde des privilèges particuliers. Alors ça veut dire qu'on peut être, par exemple, observateur au sein des Nations Unies. On a un statut particulier là également. Et nos archives sont inviolables. C'est un peu comme une ambassade. Et c'est des exemples très concrets. Quand on est sur le terrain, on nous dit, les gardes, enfin, ou la police n'est pas censée fouiller les voitures et les documents. Ils sont pas censés les lire. On n'est pas tenu de témoigner devant des instances judiciaires. Ça nous empêcherait de faire notre travail correctement. Concrètement, Elodie Schindler, si la Cour pénale internationale ne peut pas utiliser un rapport confidentiel du CICR portant sur des exactions ou des viols ou des crimes de guerre dont ils ont été témoins pour dire le responsable, c'est monsieur ou madame. C'est exact. C'est exactement ça. Le budget du CICR, c'est quoi ? Alors le budget du CICR, c'est on est cette année en 2018, on est à plus de 2 milliards de francs suisses, donc un peu moins de 2 milliards d'euros, principalement financé par des États signataires aux conventions de Genève, plus de 80%. Alors les plus gros contributeurs, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse et la Norvège pour les 5 principaux. C'est aussi le bureau humanitaire de la Commission européenne, donc ECHO, qui nous finance à hauteur de 10% de notre budget. Mamadou Sow, vous au CICR, vous êtes en charge des missions autour du lac Tchad. Comment est-ce que vous regardez le travail des délégués que vous dirigez sur le terrain ? Notre travail est un peu comme le travail d'un diplomate. C'est pas des idéalistes qu'on envoie sur le terrain, mais c'est des gens qui sont formés, qui travaillent un peu comme les diplomates. Les diplomates, ils représentent leur pays. À l'opposé des diplomates, par contre, nous sommes animés par le désir de représenter ces personnes affectées par les conflits. Donc, que ce soit devant les djihadistes avec qui on discute, devant le président de la République avec qui on discute, ou au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est ce travail de représentation des personnes affectées par les conflits. Et on trouve tout le temps des raisons d'être motivé. Sur ce mur, dans votre bureau, il y a cette carte de l'Afrique avec notamment le Nigeria, où votre institution est déployée. Est-ce que vous pourriez revenir sur la situation sur place ? Alors, cela fait 9 ans, hein, 9 très longues années, pendant lesquelles les populations qui vivent au nord-est du Nigeria, mais aussi au Niger, au Tchad et au Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun, ont vu leur vie tourner en envers, leur mode de vie suspendu en l'air par ce conflit qui oppose ces armées de ces pays contre le groupe armé connu comme l'État islamique en Afrique de l'Ouest ou Boko Haram. Ce conflit en ce moment a provoqué le déplacement de pas moins de 2,5 millions de personnes et affecte de manière globale beaucoup d'autres millions de personnes. Des villes ont vu leur population se multiplier par 2 ou 3 du jour au lendemain. Hein? Et puis d'autres villages ont été juste entièrement décimés. Un exemple, c'est On a envoyé des collègues dans certains villages du Nigeria. Et il y a certains villages où il y avait juste personne qui avait moins de 5 ans. Et là, je te laisse réfléchir la misère que ça a pris pour que juste toute une génération disparaisse. Donc voilà, donc c'est une situation très grave où les principes les plus élémentaires du droit international humanitaire sont violés de presque tous les jours. Et le CICR a été l'une des premières organisations à être sur place. Et le CICR continue à être à côté de ces populations pour répondre à leurs besoins. Nous visitons les détenus, nous sommes dans des camps déplacés et nous menons aussi un dialogue avec les personnes qui sont les porteurs d'armes pour leur rappeler l'importance de respecter la dignité humaine et de respecter les infrastructures qui permettent quand même de maintenir une vie décente dans ces parties du monde. Moi, ce qui me marque le plus, c'est l'humanité qui reste malgré tous ces challenges-là. Quand j'étais dans la campagne du Niger, après Difa, je me rappelle de cette vieille dame, elle doit avoir peut-être 70 ans. Elle aussi, elle était dans cette même situation, donc elle a fui une partie de sa famille qu'elle n'a pas encore vue depuis des années. J'étais avec une équipe de la Croix-Rouge, et pendant la discussion, la femme se lève, et 10 minutes plus tard, je la vois en train de tirer une chèvre. Imagine, elle avait perdu presque tous ses animaux. Et elle voulait m'offrir la chèvre. Donc, j'ai négocié une négociation beaucoup plus difficile que j'ai négocié avec les djihadistes et les autres porteurs d'armes pour la convaincre de garder sa chèvre. Finalement, on s'est accordé de partager du lait ensemble. Et voilà. Donc c'est des gens qui vous montrent que la guerre a fait d'eux des gens démunis, certes. Mais leur humanité reste vraiment intacte, leur sens de l'hospitalité reste intact. Un dernier exemple, le conflit autour du lac Tchad a causé le déplacement de plus de 2 400 000 personnes. Je pense qu'au moment où il y a beaucoup de discussions en Europe et ailleurs par rapport à des migrants ou des réfugiés qui fuient la guerre, rends-toi bien compte que plus de 90% de ces gens sont pas dans des camps déplacés. Ils ont été accueillis par des communautés hôtes. Et c'est des communautés les plus vulnérables au monde. D'accord, vous êtes directeur général ici au CICR. Récemment, au Nigeria, 2 infirmières qui travaillaient pour vous ont été prises en otage, puis tuées. Est-ce que votre institution est devenue une cible ? On vit un monde où les guerres ont changé, où l'objectif de la plupart des guerres aujourd'hui, c'est quand même le contrôle des populations civiles. Et c'est des guerres qui sont plus complexes à vivre pour les gens parce qu'elles, aujourd'hui, elles mettent aux prises des groupes armés souvent très fragmentés avec des États, et puis il y a une dimension en plus régionale, internationale qui systématiquement se met dessus. Et donc cette complexité, elle se sent aussi dans notre travail. Donc c'est pas nous qui sommes plus touchés, c'est simplement le monde et la façon dont les guerres sont menées qui sont plus complexes. Et simplement nous, on le vit au quotidien. Et l'espace de l'humanitaire ou du travailleur humanitaire, il s'est réduit, c'est indiscutable. Mais pas seulement celui du CICR. Ce qui m'inquiète moi le plus, très franchement, c'est l'espace aujourd'hui qui est donné par exemple à l'espace médical, l'espace de santé. Pour moi, c'est un espace qui était préservé. Il y a toujours eu des attaques contre les hôpitaux, mais pas de façon systématique. Aujourd'hui, la santé, c'est devenu un champ de bataille. C'est comme ça que je le vois, vraiment, dans les pays comme la Syrie, comme le Yémen, comme le Sud-Soudan, comme l'Afghanistan, où il y a une systématisation de l'attaque, de la pression qui est mise sur cet espace-là pour terrifier la population civile. Et nous, on est dans cette même logique-là. On nous regarde aussi comme des acteurs qui, quelque part, apaisent les douleurs ou vont amener un peu de stabilité ou amener un peu d'espoir. Et il y a des gens qui ont un objectif stratégique. Ils ne veulent pas qu'il y ait de l'espoir. Moi, je veux que les problématiques, par exemple, l'attaque sur les hôpitaux aujourd'hui, j'aimerais réunir les États pour que simplement on recrée un tabou sur le fait que les hôpitaux ne peuvent pas être attaqués. Je ne peux pas en faire qu'une histoire occidentale. C'est fondamental que, autour de la table, j'ai des pays comme l'Iran, la Turquie, l'Indonésie, par exemple, qui se sentent propriétaires de cette question au même titre que la Suisse et la Norvège. Essentiel. Marianne Gasser, vous venez de passer ces 8 dernières années en Syrie comme chef de mission. Dans ce pays, les établissements de santé sont ciblés, les civils sont bombardés. Comment, dans ce contexte, faites-vous pour défendre l'application du droit international humanitaire ? Effectivement, le droit international humanitaire a été bafoué depuis le début jusqu'à ce jour. Des hôpitaux ont été attaqués, des écoles, des marchés où il y avait la population civile. Le CICR s'est exprimé à plusieurs reprises publiquement, au moins de respecter et de protéger les populations civiles. Nous avons essayé aussi de soumettre des interventions confidentielles à toutes les parties au conflit, parce qu'il n'y a pas une seule partie. C'est ça qui rend aussi très complexe. C'est ça aussi, peut-être, pour le CICR, il faut... On sait qu'on a pris des risques. Des volontaires du Croissant-Rouge, 66, ont été tués depuis le début du conflit. Nous, on a eu 3 collègues qui ont été pris en otage jusqu'à ce jour, ça fait 5 ans. Enfin, moi-même, j'ai eu des incidents de sécurité où j'étais dans des voitures CICR. Passer les lignes de front, vous dire la vérité, Homs, là où on a été ciblé et on était dans une voiture, où une ligne de front à Alep, quand la ville était séparée, où on a dû marcher 8 minutes, qui semble très peu, mais 8 minutes à pied pour passer d'une ligne à l'autre, où on savait qu'il y avait plein de francs-tireurs, bon, on avait quand même l'emblème, mais je pense que là, il faut... Naturellement, on doit prendre des mesures de sécurité, mais je crois qu'il faut persévérer, il faut, oui, avoir la foi, et puis voir le but. Naturellement, on doit toujours peser. Est-ce que ça vaut la peine vis-à-vis du risque que nous prenons? Mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a assisté, protégé les populations, même si c'est peu, malgré une ligne de front, hein, c'est ça qui redonne peut-être voilà, aussi à nous, parce que des fois ça peut être très frustrant, on essaye, on n'y arrive pas, mais c'est ça qui nous redonne l'énergie, la force de devoir, et c'est notre obligation de continuer à soutenir, assister, protéger les populations qui sont dans le besoin. Alors on peut et on veut et on va poursuivre. Par contre, ce qu'il faut, c'est une fois que tous ces politiciens trouvent une solution politique, parce que ce n'est pas... les humanitaires, on va continuer, mais c'est très peu comparé aux besoins dans ce pays. Peter Maurer, votre président, est venu sur place en mars dernier, et je vais le citer, il a parlé de la logique du talion, de guerre de vengeance, de partie d'échec géopolitique, et s'est dit lui-même fatigué et écœuré. Vous, après 8 ans sur le terrain, quels sont vos sentiments aujourd'hui, Marianne Gasser ? Oui, des fois, on peut être, comme je dis, plutôt très frustré, triste. Mais de dire que je suis, oui, écœurée, peut-être comme le dit le président, quand on voit toute cette souffrance, surtout les enfants, les femmes qui souffrent, mais de dire maintenant, je suis fatiguée, je vais tout arrêter, non. Et puis, bon... Aussi, quand on voit les Syriens, cette résilience, quand je parle aussi de volontaires, non seulement du Croissant Rouge, mais ces associations de charité, tout ça, qui se donnent à fond, qui ont pratiquement aucun moyen, mais qui veulent aider l'autre. Et c'est ça, peut-être, qui nous donne un petit peu toute l'énergie à vouloir poursuivre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'emblème du CICR est plus visé qu'avant ? Une chose dont je suis profondément convaincu, c'est que il n'y a pas eu l'âge doré de l'humanitaire, où les humanitaires, et notamment la Croix-Rouge, l'emblème de la Croix-Rouge était respecté par tout le monde. Ça, c'est une illusion. Ça n'existe tout simplement pas. On a eu dans chaque décennie des incidents de sécurité extrêmement graves. Cela dit, aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans des conflits qui durent. Nous, par exemple, si je regarde les 10 plus grandes opérations du CICR, notre présence moyenne dans ces contextes, c'est plus de 30 ans. Où il y a souvent plus de violences criminelles que de violences politiques. Et puis dans ce type de contexte, l'action humanitaire apporte probablement moins de valeur aux gens qui sont exposés à ce type de situation que dans un contexte où pendant une année ou deux, il y a une crise et après, il y a une solution politique et les gens peuvent retrouver leurs moyens de vie. Si j'écoute les gens, prenez la Syrie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous, on veut vivre en sécurité. Deux, ils veulent travailler et gagner leur argent pour s'occuper de leur famille. Et trois, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école. Nous, on est souvent, en tant qu'humanitaire, plus tellement en adéquation avec les besoins des gens. Parce que nous, on va pas... Bien sûr, les gens peuvent travailler pour nous, mais si on est en face des centaines de milliers de déplacés ou de réfugiés, au lieu de les laisser 20 ans et puis de leur apporter de la nourriture, travailler sur l'intégration économique, là, il faut d'autres acteurs, il faut des partenariats avec d'autres acteurs avec lesquels on n'a pas, nous, nécessairement l'habitude de travailler. Ça, ce type d'orientation vont devenir de plus en plus important et fondamentalement changer l'action humanitaire dans ces années à venir. La manière dont je vois les conflits actuels, malheureusement, elle reste dans la durée. Donc vous voyez souvent, et ça me déprime souvent, vous voyez dans ces pays en conflit, si vous rencontrez un père, vous voyez comment ces gens sont en train de vivre un drame physique certes, mais un drame psychologique. Un père de famille comme moi, j'ose toujours espérer que l'avenir sera mieux pour mes enfants. Alors dans ces pays où la guerre reste depuis des décennies, ces personnes, ils continuent d'avoir cet espoir, mais en même temps, ils ne voient rien dans leur vie de tous les jours qui leur permet d'avoir espoir. Hein? Donc moi, quand je suis en Afrique, au-delà du travail humanitaire que je fais pour répondre aux besoins les plus urgents, j'essaie de chercher toujours le temps pour discuter avec les jeunes, leur rappeler que la nuit peut être très longue, très terrifiante, mais un jour ou l'autre, le jour va se lever et je pense que c'est quelque chose d'important à entendre venant d'un Africain comme eux. Donc cette Afrique-là qui est en ce moment à genoux, c'est à elle que je dois tout. Donc c'est pourquoi ce n'est que normal que je garde le désir de travailler dans ce continent et d'apporter ma contribution la plus modeste pour au moins donner un peu d'espoir à certaines jeunes, mais aussi à injecter mes pensées dans les réflexions globales de l'humanitaire. Mamadou Sow, est-ce que on pourrait parler de votre regard sur l'évolution de l'institution du CICR depuis que vous y êtes rentré et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé au niveau de la communication, de votre ressenti, des impératifs que vous demande le CICR? Alors, l'importance assez primordiale, assez impérative du CICR d'être proche des bénéficiaires, des personnes affectées par les conflits, n'a pas fondamentalement changé. Dans la communication publique, là, il y a eu beaucoup de changements. Moi, quand je venais de commencer ma mission 12 ans avant, si j'avais pris la liberté de communiquer avec des journalistes comme je le fais maintenant, à mon retour, je serais renvoyé chez moi en 24 heures avec 20 kilos. Hein? Maintenant, moi, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je communique énormément par rapport à ce que je vois. En ce moment, les personnes que nous assistons, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, ce sont des personnes aussi qui sont extrêmement connectées, beaucoup plus connectées même que les bénéficiaires du passé. Beaucoup sont sur Twitter, beaucoup sont sur Facebook. Et puis, voilà, nous aussi, on s'adapte à ce monde-là où la communication est plus ou moins tous azimuts. Et nous communiquons en faisant passer des messages, mais nous communiquons aussi pour interagir directement avec nos bénéficiaires, parfois sur des plateformes, Twitter, etc. Et ça, je pense que c'est bien. Au fond, ce que nous, on voit aujourd'hui, dans la plupart des pays où on intervient, on voit des gens qui, effectivement, ont, comme nous tous, des téléphones mobiles, ont accès à l'information, et accès à des familles, à leur réseau, et ont une façon de réfléchir à leur survie qui a beaucoup évolué, c'est clair. Ça, c'est la première chose. Deux, leurs besoins ont évolué. Donc, ils nous disent des choses que nous, on doit interpréter. Puis moi, mon attente par rapport à ma propre organisation, et c'est important, c'est que nous soyons capables d'écouter les besoins sans automatiquement avoir la réponse. Parce que souvent, les humanitaires, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les gens à travers un prisme. Vous avez un problème d'eau, n'est-ce pas? Ou d'enfant, ou de femme, whatever. Mais, et on a une petite tendance, beaucoup des organisations humanitaires, d'ailleurs, sont des organisations humanitaires spécialisées. L'eau, par exemple, la santé. Et donc, évidemment, vous regardez les gens à travers ce prisme-là. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le CICR, on ait cette capacité-là à écouter ce que les gens nous disent, même si nous, on n'a pas la réponse. Prenons l'exemple qui m'a beaucoup frappé ces temps, c'est pour prendre deux exemples. En Syrie, c'est très frappant d'entendre, quand on va dans les endroits, y compris les endroits les plus difficiles qui ont été assiégés pendant des mois, et qu'on arrive enfin à entrer, qu'on s'assied avec les populations, parmi les besoins prioritaires qui émergent toujours, et bien sûr il y a les questions de santé, il y a des questions par exemple très intéressantes de dignité aussi, comment est-ce qu'on enterre les morts, les gens nous demandent tout ce genre de choses très intéressantes, mais vient toujours, dans les trois premiers, le besoin d'être connecté et le besoin d'avoir du Wi-Fi. Donc on nous demande toujours, au fond, j'aimerais avoir du Wi-Fi. Comme un besoin humanitaire, pas du tout comme un truc de luxe, vraiment. Très important, très clé aujourd'hui. Les gens nous parlent aussi de leurs données personnelles de plus en plus. C'est pas toujours très sophistiqué, mais en fait, ils nous demandent quand même de faire attention, de réfléchir. Où est-ce que je peux parquer mes données? Je sais que je vais devoir traverser ce checkpoint par le gouvernement. Je sais qu'on va m'arrêter, qu'on va peut-être prendre mes photos, prendre mes informations. Est-ce que vous pouvez les garder? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On leur dit non, c'est pas mon mandat, je connais pas. Non, on doit entendre ça. Donc il y a quelque chose autour d'une, ce que je pourrais créer, une troisième sorte de vulnérabilité. On a vécu la vulnérabilité physique, on connaît bien. Vous êtes blessé sur une mine, bon, on est là pour vous soigner, on va trouver des solutions avec vous, les plus complexes, mais on va les trouver. On a vu émerger la vulnérabilité, j'allais dire, psychologique et mentale, dans tout ce qui était autour des violences sexuelles, par exemple, torture dans les prisons, la pression que les bombes mettent sur les gens, etc. On était capable d'accompagner ça, même pas après la guerre, mais pendant la guerre. Et puis on voit émerger sans doute une troisième type de vulnérabilité, qui est la vulnérabilité, j'allais dire, digitale. Et tout à coup, ils nous regardent, pas parce qu'on est des experts de ce domaine-là, mais parce que peut-être on est quand même un acteur, au fond, qui les a accompagnés et ils nous font confiance. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire avec cette nouvelle stratégie, c'est une capacité de tout à coup comprendre que, par exemple, la protection des données d'un individu ou d'une communauté devient pour eux un besoin humanitaire. C'est ça qui est intéressant. Donc évidemment, ce que nous on cherche, c'est donc des solutions. Permettre aux gens de pouvoir nous donner et que nous on gérera leurs données personnelles dans des environnements extrêmement compliqués. Philippe Stoll, qu'est-ce que vous faites au CICR? Quel est votre rôle? Alors, je gère et je dirige une petite unité qui pourrait s'apparenter à de la recherche en communication humanitaire. Comment la communication humanitaire va avoir un impact sur notre manière de travailler dans le futur? Et comment, dans le futur, les gens, que ce soit des personnes affectées ou des personnes qui se retrouvent en situation de détresse, pourront ou pas nous contacter à travers des médias ou des moyens digitaux? Et d'essayer de mieux comprendre quel pourrait être l'usage humanitaire des applications de messagerie comme WhatsApp, Viber et autres, pour comprendre quel est l'impact qu'elles ont sur les humanitaires, quelle est la manière dont les gens s'en servent dans des situations de crise, mais aussi quels sont les risques liés à cet usage. Mais Philippe Stoll, avant l'humanitaire apportait un sac de riz, demain l'aide ça va être quoi? Envoyer une information sur un portable? Alors je pense que c'est une excellente image de passer de la personne qui amène un sac de riz à aujourd'hui on amène peut-être une information par un WhatsApp, un message, et qu'une personne reçoit une information qui lui permettra de prendre une décision importante qui lui permettra de trouver lui-même le sac de riz ou lui trouver une solution à son problème. Mais mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui est en train de fuir une zone de combat ou un séisme, il est déjà peut-être stressé, il doit rejoindre sa famille s'il en a encore une. Est-ce que le transformer en acteur de sa propre aide n'est pas une charge supplémentaire à lui faire vivre? Est-ce qu'on n'est pas à l'encontre même de l'essence même de l'humanitaire, c'est-à-dire aller amener dans la main? Alors je pense d'abord il y a une complémentarité entre les deux approches, mais ce qu'on a remarqué, ce qu'on a vu lors des différentes expériences qu'on a eues, sondages, discussions avec ces personnes-là, c'est qu'elles veulent être beaucoup plus acteurs de leur propre destin et prendre en main les choses. Donc aujourd'hui, on n'a plus des personnes qui sont juste récipiendaires d'une aide et qui disent merci. Les gens ont envie d'être acteurs de leur propre retour à la normale. J'ai vu que par exemple le CICR avait installé dans certaines zones en Afrique des bornes de recharge des portables. Est-ce que c'est ça l'aide humanitaire aujourd'hui ? C'est une partie de ça. C'est une évolution assez importante qui va dans cette direction-là. Une nouvelle fois, basée sur une demande qui provient des gens eux-mêmes. En Occident, quand la première chose qu'on fait quand on arrive dans un aéroport étranger, on essaie de trouver du Wi-Fi. Ces gens ne sont pas si différents que nous. Hein. Et très souvent, on a cette demande, est-ce qu'il y a du Wi-Fi ? Est-ce que je peux me connecter avec ma famille ? Est-ce que je peux avoir l'information de qu'est-ce qui se passe chez moi, dans mon village ? Parce qu'il y a mon cousin qui est resté, puis il va pouvoir me dire quelle est la situation. Et là, je vais décider si je rentre ou pas. Une prochaine étude que nous allons publier dans un mois, c'est l'usage humanitaire des métadata. Comment est-ce que les organisations humanitaires peuvent utiliser les métadonnées qui sont produites à travers des conversations WhatsApp ou à travers la manière dont les gens se connectent à Facebook, etc. peut être utile pour nous, mais aussi comment ces informations sont utilisées à mauvais escient ou à ostraciser une partie de la population ou à permettre de géolocaliser un groupe de personnes pour pouvoir les cibler de manière létale ou pas. Vous n'avez pas quitté le terrain. Alors, on ne va pas quitter le terrain. Par contre, l'accès, et ça c'est malheureusement une réalité aujourd'hui, l'accès dans des zones conflictuelles est de plus en plus compliqué. Vous savez que les humanitaires sont des cibles aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et notre accès, notre capacité à être proche des populations aujourd'hui se réduit. Donc, une alternative, c'est d'essayer d'être effectivement beaucoup plus présent de manière digitale et que les gens qui nous connaissaient avant continuent à avoir une capacité de discuter, dialoguer avec nous, poser leurs problèmes auxquels on pourrait répondre de manière digitale. Mais si j'étais un peu provocateur, est-ce que je pourrais imaginer que demain, dans le monde humanitaire qui est en train de se dessiner, celui qui a reçu soit du cash, soit un kit, puisse noter l'ONG, l'institution humanitaire qui lui a amené une aide. Puisque tout est sur Internet, digitalisé, comme vous dites. Ben, quand on va dans un hôtel, on note les performances de l'hôtelier. Est-ce qu'aujourd'hui, la redevabilité, c'est-à-dire comment quelqu'un qui a reçu votre aide est capable de vous dire c'était bien, c'était moins bien, c'était pas super ? C'est un scénario sur lequel on travaille, un TripAdvisor des humanitaires, effectivement, on imagine ça. C'est aussi une raison pour laquelle nous, on est beaucoup plus proactifs à essayer de comprendre ces besoins-là et à essayer de recevoir des feedbacks. Donc c'est-à-dire que tout d'un coup, l'aide humanitaire ou l'humanitaire devient un service ? À mon avis, à mon humble avis, l'humanitaire est déjà un service. Aujourd'hui, c'est un service qu'on rend aux gens. Il y a une grosse différence, c'est que la personne qui note n'est pas forcément la personne qui amène l'argent. Qui est pas le business model, il est différent de l'hôtelier qui est noté par la personne qui a dépensé l'argent. Aujourd'hui, ceux qui nous amènent l'argent sont les donateurs. Dans quelle mesure les donateurs prendront ça au sérieux ou pas, ça c'est une autre question. Elodie Schindler, le numérique est en train de transformer les missions de votre institution. Application concrète avec ce programme ouvert sur votre ordinateur, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est notre site qui s'appelle Trace the Face, qui doit faciliter le rétablissement des liens familiaux. Donc le principe c'est, je cherche un membre de ma famille, parce qu'à cause de la migration, à cause de la guerre, mon frère a disparu. Donc c'est moi, la personne qui cherche l'autre personne qui va poster ma photo en disant, je cherche mon frère. Et donc toutes ces photos des personnes qui sont en train de chercher quelqu'un sont à disposition sur ce site internet qui s'appelle Trace the Face. On peut voilà filtrer par pays, par date de publication, par sexe et par âge. Et c'est une manière aussi de rétablir les liens familiaux et le contact entre les personnes. Donc là c'est un site, mais il y a des bornes interactives qui sont installées où il y en a en France ? Pour l'instant, on en est à 3 pays, donc il y a la France, l'Allemagne et l'Italie, et on est à 3 bornes par pays. Encore une fois, ça va être déployé, ça va commencer en novembre, c'est un projet pilote, et puis on va voir si ça marche, et si effectivement ça permet aux personnes de retrouver plus facilement des membres de leur famille. Yves Dacor, on est loin d'Henri Dunant et de ses brancardiers sur les champs de bataille de Solferino. Est-ce que la guerre est numérique? Est-ce que le champ de bataille de demain, ce sera Internet? Et donc, comment faire appliquer votre mandat sur ce territoire virtuel, la défense du droit international humanitaire? D'abord, il faut qu'on soit au clair que ça a déjà lieu, c'est qu'on le vit déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre qui se passe, j'allais dire, y compris dans les contextes entre guillemets les plus reculés. Les guerres qu'on voit aujourd'hui, elles sont accompagnées systématiquement par des stratégies de Internet ou cyber, comme on pourrait les appeler comme ça, c'est évident. Et donc, on est déjà aujourd'hui dans des logiques où on doit réfléchir à ces questions-là et engager avec les États. Au fond, le droit international humanitaire, il permet finalement, lors de la guerre, d'engager et de combattre ce qui est militaire. Et puis, il est clair, il dit attention, quand c'est civil, par contre, c'est non. Bah, la question, elle est extrêmement bidou. C'est quoi aujourd'hui dans l'espace cyber, c'est quoi ce qui est civil? Que constitue un élément civil? Est-ce que vos données, par exemple, à vous, est-ce qu'elles constituent un objectif militaire, stratégique? Toutes ces questions-là, elles sont totalement clés. Donc la question, que constitue un objectif civil, militaire? L'enjeu actuel, c'est que, contrairement à la guerre, entre guillemets, physique, la guerre sur Internet, il est extrêmement difficile de savoir d'où elle démarre. Ou disons, on peut le savoir, mais il n'y a pas une reconnaissance. Et vous avez remarqué ce qui est très frappant ces dernières années, c'est que personne, ou c'est très rare qu'un État dit « je vais attaquer ». Et les États qui se font attaquer, en général, ne sont pas très fiers de se faire attaquer. Un des enjeux, c'est qui sont les parties au conflit? On est en train de faire quoi? Donc toutes ces questions se posent actuellement, très clairement. Et aujourd'hui, les États ont énormément de peine à vouloir se mettre d'accord. Une des raisons, c'est que je pense que certains États pensent que en ne se mettant pas d'accord, ça leur donne encore un avantage stratégique. Je pense que vous allez voir dans les années qui viennent que ça va changer, que les États vont se remobiliser ensemble parce qu'ils vont se faire dépasser par des groupes non étatiques. Et quand ils seront vraiment attaqués par des groupes non étatiques, je pense que ça va remobiliser les États. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord, on est assis dans votre bureau, on surplombe Genève. Votre organisation a été créée il y a 155 ans par des citoyens suisses. Est-ce que vous pourriez me dire à quoi sert le CICR pour la Suisse? La Suisse, elle est connue pour son horlogerie, ses banques, son chocolat. Mais est-ce que ses vaches, est-ce que le CICR sert aussi de vitrine à la Suisse, aujourd'hui encore? Moi, je pense que le CICR a servi de un peu de bijou comme ça à la Suisse pendant longtemps. J'ai l'impression aujourd'hui, il y a un lien, mais je pense que le lien aujourd'hui, il est beaucoup plus ténu. Ça vient du fait que la Suisse, pour les raisons évidentes, aujourd'hui, elle vit sa neutralité très différente qu'elle le vivait il y a encore 150 ans. Là où il y a encore un lien très fort entre la Suisse et, j'allais dire, la mission du CICR, c'est sur le droit international humanitaire. L'État dépositaire des conventions de Genève, c'est la Suisse. Donc ça, c'est garder un lien très fort. Pour le reste, c'est un lien qui a aussi un peu changé par rapport simplement en termes de donations. Aujourd'hui, la Suisse, ça représente plus que 8% de nos contributions. Il y a encore 20 ans, je pense qu'il se situait pas très loin de 40%. Donc c'est aussi intéressant de voir un monde et un CICR qui sait aussi, on a fait nous le choix de s'internationaliser, de globaliser. On pense que simplement aujourd'hui, on a un monde où le monde il s'est non seulement rétréci pour les humanitaires, mais il s'est rétréci pour le monde occidental. Et donc nous, ça s'applique aussi pour les délégués du CICR. Donc nous, un choix qu'on a fait très clairement, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on intègre dans une organisation qui est basée en Suisse, mais qui se veut capable de pouvoir travailler dans le monde, comment est-ce qu'on intègre aujourd'hui toutes les nations possibles avec un objectif de compétences clés. Donc tout ça pour vous dire, oui, il y a un lien bien sûr encore avec la Suisse qui est fort. Il y a surtout un lien, je trouve, avec Genève. C'est paradoxal. Et au fond, si vous regardez même sur notre logo, c'est intéressant alors qu'on a gardé ça, c'est marqué Croix-Rouge International, Comité International de la Croix-Rouge, Genève. Si on a mis Suisse, ça aurait pas marché. Nouveau terrain d'action du CICR, avec Yves Dacor, directeur général, Dominique Stillart, directeur des opérations, Mamadou Sow, responsable des opérations en Afrique, Philippe Stoll, en charge de la communication humanitaire, Marianne Gasser, chef de mission en Syrie, Elodie Schindler, chargée de communication, Daniel Pamieri et Yeran Herman, historien. Remerciements, Sébastien Carlier, directeur adjoint de la communication, et Frédéric Joly, porte-parole à Paris. La série documentaire, réalisation Vincent Deck, un documentaire de Michel Pomarède. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter en Suisse, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, la course de fond d'Action contre la faim. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, Création en air, La fabrique de l'histoire, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.